Conduire, c'est tenir compte des autres usagers et anticiper le plus possible leurs actions. Ici, la voiture devant a le clignotant à droite et les feux de recul allumés. Je peux facilement en déduire que son conducteur veut faire un créneau et va reculer. Anticiper pour ne pas bloquer la situation, c'est s'arrêter immédiatement pour le laisser faire sa manœuvre. Réponse A.